the storm. Rainy night, I'm hustling bullet bar. Parisian view, drifting from the bar. Guess what? Comme dynamite, tu débranches encore. Toi aussi, c'est la vie. Bands in bars and restaurants. Oh, with anyone who wants. Pray, standing there alone. Staring eyes chill me to the bone. Un regard sur tes fans, que les murs de photos. Sans regret, sans mélo, la porte est claquée, l'oreille est barrée. Thank you.